pourrait jamais pourrir. Bah non, là, il n'y a pas... Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien, là. Il a séché. Ouais, je pense. Oh, c'est dingue. Mais il est mort. Caressé. Ouais. T'as senti que on peut ne pas sentir tellement c'est doux. Ouais. J'ai envie de le soulever. T'es d'où, toi? Habib, galbe. Attends, je vais aller dedans, moi. Je vais danser, là. Oh, ça y est, quoi. J'arrive tout. À tout à l'heure. Ciao. Il lui a plu, celui-là. Il lui a plu. Il t'a plu, là. Non, ça, elle le regarde avec amour depuis tout à l'heure. J'ai jamais vu autant aimer quelque chose. Ici l'espace, j'appelle la Terre et quelqu'un. Il n'y a plus personne, mon débarras. On a plein d'euros, s'il vous plaît. Non, je suis désolé, moi. On a une fleur qui vaut 1 €. Le plus grand combat, ce sera toujours contre soi-même. Même quand on se bat contre un autre, c'est soi-même qu'on fracasse.